Le paradis terrestre, de mon histoire sainte par Henriette Suzanne Bray. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le paradis terrestre. Du côté du soleil levant, il y avait un jardin délicieux, rempli d'arbres de toute espèce, où Dieu mit l'homme pour cultiver le sol. Et il dit « Mangez librement de tout fruit du jardin, mais non point ceux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au milieu du jardin. » Or le serpent, qui était le plus fin de tous les animaux, dit à la femme « Quoi ? Dieu aurait dit « Vous ne mangerez point de tous les fruits du jardin ?» La femme répondit « Nous mangeons du fruit des arbres, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent s'écria « Vous ne mourrez nullement !» La femme donc prit du fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, et ils se cachèrent parmi les arbres. Mais Dieu dit « Où êtes-vous ? » Adam répondit « En entendant la voix de Dieu dans le jardin, j'ai craint et je me suis caché. » Dieu demanda « N'as-tu pas pris des fruits dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit « C'est la femme qui m'en a donné. » Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répondit « Le serpent m'a trompée. » Alors Dieu maudit le serpent et lui dit « Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie, et la postérité de la femme t'écrasera la tête. » Ensuite, Dieu dit à l'homme et à la femme « La terre sera maudite à cause de vous. Elle produira des épines et des chardons, et vous mangerez le pain à la sueur de votre visage, jusqu'à ce que vous retourniez à la terre d'où vous avez été pris, car vous êtes poussière, et vous retournerez en poussière. » Alors l'ange de Dieu les fit sortir du jardin d'Éden. Plus tard, ils eurent deux fils, Caïn, qui fut laboureur, et Abel, qui fut berger. Or, comme ils étaient au champ, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Car depuis la désobéissance d'Adam et d'Ève, le cœur des hommes était devenu méchant. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel ?» Caïn répondit, « Je ne suis pas le gardien de mon frère. » Dieu dit, « Le sang d'Abel crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant donc, tu seras maudit. Quand tu laboureras, la terre ne te donnera plus son fruit, et tu seras vagabond et fugitif sur la terre. » Fin du Paradis terrestre, enregistré par Ezoa, en Belgique, en janvier 2021.